La beauté de la musique liturgique orthodoxe, la sagesse des saints-pères de l'Église, l'art de la prière incessante, l'actualité de la sainte tradition chrétienne. Venez les retrouver dans l'Église orthodoxe aujourd'hui, chaque dimanche à 17h. Une émission réalisée sous la bénédiction de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France et proposée par Bogdan Florin Vlaïkou. L'Église orthodoxe, aujourd'hui. Chers auditrices et auditeurs, bonjour. Nous allons consacrer l'émission d'aujourd'hui à Saint Jean Cassien, père de l'Église universelle, qui par son activité a réalisé un véritable pont spirituel entre l'Orient et l'Occident chrétien, à partir d'Égypte jusqu'en Gaule. Car sa mémoire sera célébrée par l'Église orthodoxe le 28 février. Saint Cassien naquit vers l'année 365. Durant les derniers trois siècles, il y a eu une grande controverse entre les chercheurs concernant sa patrie d'origine, car lui-même ne nous a pas laissé des informations précises sur ce sujet. Mais à présent, les érudits sont finalement d'accord avec Genade, qui, 35 ans après la mort du saint, dans son ouvrage De Viris Illustribus, écrivait « Cassianus nationis cita ». Déjà en 1947, Henri-René Maroux commentait ainsi cette mention, je cite « Cassianus nationis cita » signifie que Jean Cassien est originaire de la province romaine de Cité Mineure. Disons en termes modernes que c'est la Tante d'Orient est un Roumain de Dobruja. » Fin de citation. Le grand chercheur français évoquait les inscriptions découvertes en 1912 par l'historien roumain Vasile Pervan à 40 km nord de la ville roumaine Constanța qui confirment l'existence à l'époque d'une Vicus Cassiani, le village des Cassiens. Ainsi, on sait maintenant que Saint Cassien est né sur le territoire de la Roumanie historique, en Cité Mineure, la Dobruja d'aujourd'hui. Daco-romain ou proto-roumain, originaire de ce territoire entre le Bas-Danube et la mer Noire, le Jean Cassien est parti dans un long voyage qui le conduira d'abord vers l'Orient, jusqu'en Palestine et Égypte, et ensuite à travers Constantinople et Rome, vers l'Occident, jusqu'en Gaule. Cet itinéraire spirituel a commencé par un pèlerinage dans la Terre Sainte, où il a été accompagné par son meilleur ami et compatriote, Saint Germain de Dobruja. Après avoir vécu en moins de 2 ans à Bethléem, Cassien et Germain sont partis pour l'Égypte, où ils ont pratiqué l'ascèse pendant 10 ans et ils ont eu des entretiens spirituels avec les grands abbés du désert. Saint Jean Cassien évoquera ces entretiens dans son ouvrage appelé Conférence, où il parlera aussi de son amitié avec Saint Germain. Je cite « Le désert de Sète fut le séjour des plus renommés parmi les pères de l'état monastique et la demeure de toute perfection. Mais entre tant de fleurs merveilleuses de sainteté, L'abbé Moïse se distinguait encore par le parfum plus suave de son ascèse et de sa contemplation. Avide de m'établir par ses leçons sur un fond solide, je fus le trouver avec le saint abbé Germain. Tous deux, inséparables dès le temps de nos premières armes dans la milice spirituelle, avions depuis lors vécu de communauté, tant parmi les cénobites qu'au désert. Et chacun, pour signifier notre étroite amitié et notre commun propos, avait accoutumé de dire que nous n'étions qu'un esprit et qu'une âme en deux corps. Ensemble, nous demandâmes avec larmes au vénérable abbé un entretien qui fut propre à nous édifier. Fin de citation. Ensuite, ils sont allés à Constantinople où ils sont devenus amis proches de Saint-Archevêque Jean Chrysostome qui ordonna Germain prêtre et Cassien diacre. Désormais, Saint-Cassien s'appellera aussi Jean, en mémoire de son grand ami archevêque. De la Nouvelle-Rome, les deux Dacoromains sont allés à l'Ancien Rome où ils ont lié aussi une forte amitié avec le futur pape Saint-Léon. Ordonné diacre par l'archevêque de Constantinople, Jean Cassien a été ordonné prêtre par le pape de Rome. Le long voyage de saint Jean Cassien s'est achevé en Gaule, où il a fondé le monastère Saint-Victor à Marseille, dont dépendait un couvent de Monial. C'est là qu'il a écrit en latin ses deux fameux ouvrages sur la vie monastique, les institutions et les conférences. Décrivant en détail les principes de la règle cénobitique de Pacôme et les idéaux évagriens de la vie érémitique contemplative, il attribue la fondation d'un idéal monastique non pas aux pères d'Égypte, mais aux apôtres eux-mêmes. Ainsi, il importa de l'Orient l'idée que le monachisme est en fait identique à la vie chrétienne elle-même, ou plutôt qu'il est son expression la plus parfaite et la plus complète. Voilà ce que saint Jean Cassien, ce véritable fondateur du monachisme en Occident, écrivait dans la préface de son ouvrage « Les institutions cénobitiques ». Je cite « Ce que dans ces régions j'aurais constaté n'être pas établi par une très ancienne constitution selon le type fixé par les anciens, mais avoir été supprimé ou ajouté selon le jugement de chaque fondateur de monastère, je l'ajouterai ou le retrancherai fidèlement suivant la règle des monastères anciennement fondés que nous avons vus en Égypte et en Palestine. Car je ne crois absolument pas qu'une fondation récente ait pu trouver dans les régions occidentales des Gaules quelque chose de plus raisonnable et de plus parfait que ces institutions selon lesquelles demeurent jusqu'à nous, depuis le début de la prédication apostolique, les monastères fondés par les pères saints et spirituels. » Fin de citation. Écrivant sur la vie spirituelle, Cassien suivait la pensée des pères d'Orient, considérant comme allant de soi la notion de synergie, c'est-à-dire que la vie chrétienne exige la coopération entre la grâce divine et la liberté humaine. Ce concept était en conflit avec la pensée de saint Augustin sur la grâce prévenante et la prédestination. La polémique qui se développa à propos de cette question avant la mort d'Augustin et de Cassien fut peu concluante. Plus tard, la domination de la pensée augustinienne en Occident fit que le nom de Cassien se retrouva sur une liste d'hérétiques contenue dans un texte anonyme du XVIe siècle, faussement attribué au pape Gélase. Cassien y était associé à ce qu'on désigna comme le semi-pélagianisme. Cette malheureuse controverse n'empêcha pas les écrits de saint Cassien d'exercer une influence décisive sur les plus éminents chefs du monachisme en Occident, en particulier sur saint Benoît de Nursie. Toutefois, après la mort de Jean Cassien en 435, l'église locale de Marseille continua de le célébrer comme saint le 23 juillet et de vénérer ses reliques qui demeurent jusqu'à présent dans l'église de l'abbaye Saint-Victor fondée par lui. Les chrétiens orthodoxes célèbrent Saint Cassien le Romain le dernier jour de février. En 1992, l'église orthodoxe roumaine a canonisé aussi le Saint-Germain de Dobrogea, qui est célébré le même jour que son illustre ami. Nous avons demandé à M. Jean-François Colosimo, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris, de nous parler sur l'importance de l'œuvre théologique de saint Jean Cassien et sur son rapport avec la querelle pélagienne. Saint Jean Cassien, c'est un témoin entre l'Orient et l'Occident, évidemment un témoin positif en raison de l'importation du monachisme oriental dans le monde occidental via les Gaules, mais c'est aussi un témoin en quelque sorte négatif des divergences qui commencent à poindre entre l'Orient et l'Occident en raison de la querelle pélagienne. Alors qu'est-ce que c'est que cette fameuse querelle? C'est très simple, c'est une querelle qui va surtout opposer en fait Augustin d'un côté et Pélage de l'autre, plus particulièrement un des disciples de Pélage, Julien Desclanes. Pélage professe une sorte d'optimisme ontologique radical sur l'homme, sur l'autonomie de l'homme et sur le caractère nécessairement bénéfique de sa volonté et de sa raison qui l'oriente en quelque sorte naturellement vers Dieu. Alors il est évident que la doctrine de Pélage n'est pas complètement équilibrée, n'est-ce pas? D'un autre côté, pour Augustin, qui est radicalement centré sur sa propre expérience particulièrement difficile de conversion, c'est le règne au contraire du pessimisme ontologique. L'homme est en quelque sorte naturellement contaminé par le péché d'origine, l'homme ne peut rien par lui-même, la nature est en quelque sorte non pas mauvaise mais pécamineuse, l'homme en fait est bon pour l'enfer depuis la chute, et s'il n'y avait la grâce de Dieu qui venait se rajouter à tout cela, eh bien l'homme ne pourrait rien par lui-même et ne serait pas tourné vers Dieu par lui-même. Mais quelle était la position de Saint Jean Cassien dans cette controverse pélagienne? C'est la position qu'il a, en quelque sorte, apprise auprès des moines du désert. C'est la position qu'il a pu retrouver à Constantinople et ailleurs. C'est celle de la théologie mystique de l'Église d'Orient, à savoir que il n'y a pas de nature en soi de l'homme. La nature est déjà une grâce. Que l'homme ayant été créé à l'image et la ressemblance de Dieu, l'homme, même après la chute, garde ce désir de Dieu, car ce désir de communion, c'est la vie même de l'homme. Et que donc l'homme s'établit en quelque sorte dans une synergie. Que le salut est certainement l'œuvre de Dieu, puisque tout est l'œuvre de Dieu, mais que cette œuvre de Dieu, justement parce qu'elle est divine, suppose la liberté de l'homme, et donc la collaboration, la coopération de l'homme. Et qui plus est, non seulement de l'homme en général, mais de chaque homme en particulier, en son nom propre. Donc, si Saint Jean Cassien n'est en rien pélagien, si certainement il peut voir quels sont les défauts excessifs de la théorie de Pélage, en attendant, il ne peut du tout être en accord avec Augustin. Car dans le pessimisme d'Augustin, il y a une erreur fondamentale, et qui porte très exactement sur la nature de la grâce et la nature de la liberté. C'est pour cela que, ultérieurement, la position orthodoxe sera interprétée par les latins comme une sorte, ce qu'on appellera un semi-pélagianisme. Car dans la conscience latine, fortement marquée par l'œuvre d'Augustin, il n'y aura pas de place pour cette compréhension d'une grâce qui n'est pas simplement ajoutée, mais qui est le cœur même de la création de Dieu et le cœur même de la création de l'homme, n'est-ce pas? Du fait de l'accusation de pélagianisme, Saint Jean Cassien est resté oublié longtemps par l'Église catholique romaine, par l'Occident. Le fait qu'au XXe siècle, il a été redécouvert par des grands théologiens d'Occident, et même le fait que finalement les chercheurs ont tombé d'accord qu'il s'agit d'une Saint-Père de Sidi Mineur du 5e siècle, est-ce que ça a une importance pour l'image de la théologie orthodoxe en Occident? D'abord, Saint Jean Cassien quand même a continué à être lu dans les monastères à travers effectivement tout l'essor du monachisme bénédictin, les institutions, les conférences sont devenues des lectures habituelles et qui permettaient ainsi de relier en quelque sorte l'expérience du monachisme occidental au monachisme oriental. En même temps, il est vrai qu'en Occident, ce monachisme est devenu de plus en plus séparé du reste de l'Église, et même séparé parfois physiquement. Le monachisme contemplatif n'a pas irrigué l'Église, il a vécu au sein de l'Église comme une sorte de témoignage silencieux. Ce que l'on peut dire là-dessus, c'est que cette redécouverte, qui est effective, participe de la redécouverte plus large des pères grecs. On pourrait citer le père d'Ignilou, le père de Lubac. On pourrait citer aussi Karl Rahner, le grand théologien allemand, qui justement, sur ses problèmes de grâce, a cherché à sortir de l'augustinisme grâce au concours des pères grecs, des pères dont Cassien. Quant au fait qu'il y ait cette redécouverte de l'Orient par l'Occident, qu'il y ait aussi cette redécouverte d'un Cassien qui était qui était à la fois oriental mais de langue latine. Oui, oriental mais de langue latine. Disons, ce qui est important pour nous, notre conscience orthodoxe, c'est de saisir en quoi, pour les pères, quelle que soit notre origine, il n'y a qu'une orthodoxie. Et que c'est la part que l'on prend dans cette orthodoxie qui décide, en fait, de la façon dont notre mémoire demeure. Et que, certainement, saint Jean Cassien venait de cette région du Danube, mais il est parti en Égypte vivre au désert. Il n'est pas resté en Égypte, il est parti à Constantinople, il n'est pas resté à Constantinople, il s'est rendu en Gaule. Et il y a là, je crois, donc, une leçon pour nous tous, c'est de vivre l'orthodoxie dans la communion réelle, par-delà les barrières linguistiques et confessionnelles, ou plutôt culturelles, et de nous concevoir tous comme baptisés dans le même Christ. C'est la dimension universelle de l'orthodoxie, n'est-ce pas ? La dimension universelle de l'orthodoxie est le fait que si nous sommes des homo viator, des hommes en voyage entre la terre et le ciel, nous sommes aussi nécessairement tous en quelque sorte des migrants spirituels. Et vous voyez, au fond, c'est l'histoire, la vie de saint Jean Cassien, et peut-être que c'est une chose que nous pouvons tous retenir par-delà ces hautes leçons spirituelles, ascétiques et mystiques, c'est que c'est la leçon de l'évangile. Si tu trouves une perle, n'iras-tu pas vendre ta maison ? Saint Jean Cassien, finalement, a accepté ce que les pères du désert appelaient la xénitheia, le fait d'être étranger ailleurs, et simplement, quand on est dans l'Église, on n'est jamais étranger. Saisir davantage l'ouverture d'esprit de saint Jean Cassien, comprenant ensemble l'Orient et l'Occident chrétien, si on pense à son appartenance à la romanité orientale. Il s'agit de la population latinophone qui se trouva dans la sphère d'influence religieuse, culturelle et politique de Constantinople, la capitale de l'Empire romain chrétien, appelée aussi Romania. L'héritage spirituel de Saint-Père d'accord romain contribua à perpétuer dans la péninsule balkanique un christianisme d'expression latine, dont les Roumains contemporains sont les plus visibles témoins. Selon l'affirmation de John Meindorf, théologien orthodoxe de l'émigration russe aux États-Unis, par son activité, saint Jean Cassien créa un pont entre l'Orient et l'Occident, témoignage de la vocation du peuple roumain qui hérite à la fois une spiritualité chrétienne orientale et une culture romaine. Pour mieux comprendre le milieu spirituel d'où il provenait et l'importance de son activité, nous nous sommes entretenus avec Mgr Cassien, évêque du diocèse du Bas-Danube en Roumanie, où se trouve la région d'origine de saint Cassien. L'Occident doit beaucoup à cette personnalité remarquable de la période patristique. Parce qu'en effet, saint Jean Cassien est une fenêtre transparente entre l'Orient et l'Occident. Et j'aimerais dire que c'est une lumière d'Orient qui, ici, notamment en France, il nous a démontré que la lumière n'est pas extérieure, comme c'était la période des lumières philosophiques ici en France. C'est une lumière avant la lumière, une lumière intérieure. Il s'agit d'un moine tout d'abord, n'est-ce pas ? Or, les moines sont les voyageurs dans ce monde, mais qui sont en quête de l'autre monde. Et parmi les circonstances de la vie qui ne sont pas toujours lumineuses, le moine allume la lumière de la révélation divine à l'intérieur de la personne humaine. Il s'est abandonné au monde, n'est-ce pas ? Et il a gagné le monde de Dieu à travers son passage du monde oriental vers le monde occidental. En effet, comme dit Dom Emmanuel Pichéry dans son excellent ouvrage sur la vie de saint Jean Cassien, dans la connexion fameuse de Lyon, n'est-ce pas, source chrétienne, saint Jean Cassien appartient à la période d'or de l'Église, de la patristique, étant contemporain de saint Jean Chrysostome, par exemple. Et pas seulement contemporain, il était disciple de Saint Jean Chrysostome. Donc, pour le localiser spirituellement, j'aimerais le localiser tout d'abord spirituellement, par la filiation spirituelle. Il devient, n'est-ce pas, une personnalité très renommée et très connue. Et maintenant, je ne peux pas m'abstenir de présenter son origine natale. Son origine natale, c'est la Roumanie, l'actuel territoire de la Roumanie, c'est la Dobruja, tout près du bas Danube, le berceau d'une spiritualité très féconde. Au IVe siècle, il y avait des monastères. Le territoire connaît très bien une spiritualité apostolique. Le territoire est évangélisé par Saint André et par la suite, il y avait des communautés, bien sûr, des petites communautés, mais on sait très bien que parmi ces communautés, on trouve des monastères et des moines. Ils quittent Dobruja avec son ami et ils vont pour pèlerinage à Jérusalem. Ils sont parmi les premiers pèlerins en Terre Sainte, n'est-ce pas? Donc voilà la relation, la réponse. Si Saint André est l'évangélisateur de notre territoire, voilà la conscience de ses fils spirituels dans le temps qui revient en Terre Sainte. Parce que la Terre Sainte, bien sûr, c'est le berceau du christianisme. Mais il ne reste pas simplement en Terre Sainte. Il va en Égypte où, à l'époque, les pères du désert construisaient la voie spirituelle, n'est-ce pas? Par exemple, l'amour de la beauté parfaite, la philokalie. Alors il connaît les disciples de Saint Antoine et là-bas il donne son rayonnement aussi. C'est pas simplement qu'il connaît la spiritualité, il était héritier déjà d'une spiritualité. Alors sa spiritualité est une spiritualité très équilibrée. Là, il commence les dialogues avec les pères du désert et il vient avec son appui très profond. Et son appui très profond reste depuis toujours l'équilibre, le discernement. C'est lui, n'est-ce pas, le premier dans la spiritualité qui parle du discernement, la juste voie, la voie royale, n'est-ce pas, on dit, dans la spiritualité monastique. Et c'est lui le premier qui a saisi les sept, et d'après notre huit péchés, qui nous empêchent, qu'est-ce que c'est le péché? Un empêchement d'établir une voie directe avec Dieu. Et il a mis en question le péché, mais il a donné aussi les remèdes contre les péchés. C'est le combat à l'intérieur de nous-mêmes, n'est-ce pas, qui compte pour combattre à l'extérieur les tentations du monde, les tentations du diable, ainsi de suite. Palestine et l'Égypte, et il veut revenir dans son pays d'origine, donc à Dobruja. Mais il trouve qu'à Marseille, il y avait des conditions excellentes pour une mission, et c'est là où il fonda pour la première fois deux monastères, des vrais monastères, ayant une origine certaine, orientale, de notre territoire, de Constantinople, n'est-ce pas, mais aussi de la Terre Sainte et de l'Égypte. Voyez-vous, c'est une synthèse formidable. Je crois que c'est la première personnalité de synthèse dans la spiritualité totale, de l'Est de l'Europe vers l'Orient de la christianité en Occident. Et voilà pourquoi Saint Jean Cassien, il est le maître de Saint Benoît. Saint Benoît, vous le savez, il est le patron proclamé par le pape Paul VI, le patron de l'Europe, n'est-ce pas? Benoît, c'est le patriarche du monachisme occidental. Et à la base du monachisme occidental, il y a Saint Jean Cassien. Saint Jean Cassien nous aide aussi de marcher ensemble maintenant. Les chrétiens d'Orient, donc de l'Europe, et les chrétiens d'ici en Occident, et on sait très bien que la France est un pays très fécond, il y a beaucoup d'orthodoxes ici, de différentes origines ethniques, mais Saint Jean Cassien est le train d'union, n'est-ce pas, de tous les orthodoxes ici, mais aussi il nous aide, si vous voulez, à une démarche écuménique avant la lettre, un écuménisme des profondeurs de la recherche de l'unité chrétienne. C'est à partir de son travail, c'est à partir de ses reliques qui sont ici à Marseille, c'est à partir de sa démarche de l'Est de l'Europe vers l'Occident de l'Europe, n'est-ce pas, qu'il nous montre qu'il est possible de rayonner ici au IVe siècle dans cette terre très accueillante. Est-ce que vous pensez que l'activité de Saint Jean Cassien, qui a été comme un pont spirituel entre l'Orient et l'Occident, a été favorisée aussi par son origine de l'ancienne Sciția Minor, l'actuelle Dobrogea en Roumanie? Évidemment, on ne peut pas ignorer cela. Chaque peuple jouit d'un rayonnement qui est le don de Dieu. Un de nos philosophes qui a beaucoup souffert pendant la période communiste nous rappelait qu'un peuple a des valeurs seulement s'il reste fidèle à l'Évangile. Il me semble que nous, les Roumains, malgré nos défauts, bien sûr, nous avons des hauts et des bas, nous sommes un peuple capable de redécouvrir toujours l'Évangile dans notre histoire et dans notre vie. L'Évangile a fécondé notre vie et à partir de l'Évangile, nous avons gardé l'hospitalité. L'hospitalité, pas en tant que politique, l'hospitalité en tant que suggestion d'un rapprochement. Je crois que nous avons la vocation d'un rapprochement. Oui, parce que à Dobrogea, il pouvait à la fois connaître la langue latine et la spiritualité byzantine. C'est avec de l'humilité, n'est-ce pas, que je considère que nous qui avons un respect pour nos ancêtres, n'est-ce pas, nous pouvons utiliser largement l'exemple de Saint Jean Cassien, parce qu'il est quelqu'un de nôtre. Espérons, n'est-ce pas, que nos prières soient agréables à Dieu et à Saint Jean Cassien, afin que nous puissions reprendre son chemin, de l'Orient vers l'Occident, de l'Est vers l'Est de l'Europe, pour redécouvrir ensemble, parce que Saint Jean Cassien, il nous a démontré que finalement, et à l'Est et à l'Ouest de l'Europe, on peut servir Jésus-Christ, on peut servir l'Église, on peut servir l'unité de l'Europe. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. Les chants liturgiques ont été interprétés par le chœur de moines des monastères Simonos Petra au Moatos et Saint-Antoine le Grand dans le Vercors, le chœur copte des moines de Saint-Antoine du désert en Égypte et la chorale byzantine Stavropoléos de Roumanie. Nous vous souhaitons une semaine emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM, dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM et durant toute la semaine sur la rubrique Podcast Orthodoxe du site internet orthodoxie.com. Amen.